Et par la plaine, par la montagne, laissons-les fermer la ronde. Et par la plaine, par la montagne, laissons-les fermer la ronde. Les braves gens du monde. C'est comme ça depuis que le monde tourne, y a rien à faire pour y changer. C'est comme ça depuis que le monde tourne, et il vaut mieux pas y toucher. Et il vaut mieux pas y toucher. Et il vaut mieux pas y toucher. J'aime la foire où pour trois sous l'on peut se faire tourner la tête. Sur les manèges aux chevaux roux, au son d'une musique bête, les lampions jettent au firmament alignés en nombre pair, comme des sourcils de géants, leur crachat de lumière. Les moulins tournent, tournent sans trêve, emportant tout notre argent et nous donnant un peu de rêve pour que les hommes soient contents. Les moulins tournent, tournent sans trêve, emportant tout notre argent et nous donnant un peu de rêve pour que les hommes soient contents. J'aime la foire où pour trois sous l'on peut se faire tourner la tête. Sur les manèges aux chevaux roux, au son d'une musique bête, ça sent la graisse où dansent les frites, ça sent les frites dans les papiers, ça sent les beignets qu'on mange vite, ça sent les hommes qui les ont mangés. Partout je vois à un petit pas des couples qui s'en vont danser, mais moi sûrement je n'irai pas, grand-mère m'a dit de me méfier. Partout je vois à petits pas des couples qui s'en vont danser, mais moi sûrement je n'irai pas, grand-mère m'a dit de me méfier. J'aime la foire où pour trois sous l'on peut se faire tourner la tête. Sur les manèges aux chevaux roux, au son d'une musique bête, et lorsque l'on n'a plus de sous pour se faire tourner la tête, sur les manèges aux chevaux roux, au son d'une musique bête, on rentre chez soi lentement, et tout en regardant les cieux, on se demande simplement s'il n'existe rien de mieux. On rentre chez soi lentement, et tout en regardant les cieux, on se demande simplement s'il n'existe rien de mieux. J'aimais la foire où pour trois sous l'on pouvait se faire tourner la tête. Sur les manèges aux chevaux roux, au son d'une musique bête, la la. Comme un marin, je partirai pour aller rire chez les filles. Et si jamais tu en pleurais, moi j'en aurais l'âme ravie. Comme un novice, je partirai pour aller prier le bon Dieu. Et si jamais tu en souffrais, moi je n'en prierais que mieux. Tu n'as commis d'autre péché que de distiller chaque jour l'ennui et la banalité. Quand d'autres distillent l'amour et mille jours pour une nuit, voilà ce que tu m'as donné. Tu as peint notre amour en gris, terminé notre éternité. Comme un ivrogne, je partirai pour aller gueuler ma chanson. Et si jamais tu l'entendais, j'en remercierais le démon. Comme un soldat, je partirai mourir comme meurent les enfants. Et si jamais tu en mourrais, j'en voudrais revenir vivant. Et toi tu pries, et toi tu pleures, au long des jours, au long des ans.

et douce et calme comme ton miroir. Une île claire comme un matin de Pâques, offrant l'océan longueur d'une sirène à chaque vague. Oh, viens, viens mon amour, là-bas ne serait point ces fous qui nous disent d'être sages ou que 20 ans. Em 1944, aos 15 anos, Jacques Brel começou a tocar guitarra, criando, no ano seguinte, um grupo de teatro com os seus amigos, escrevendo peças. Em 1947, durante o seu último ano no Instituto de Saint-Louis, escreveu um conto intitulado Frédéric para a revista escolar. Publicado sob pseudónimo, é uma narrativa sobre um homem no leito de morte que incentiva o neto a fugir enquanto o resto da família prepara o funeral. Apesar do seu crescente talento para a escrita, Brel não foi um bom aluno, reprovando em muitos dos exames. Sem vontade para continuar o percurso académico, aos 18 anos foi trabalhar na fábrica de embalagens de cartão do pai. Insatisfeito com as tarefas laborais rotineiras que lhe estavam incumbidas, paralelamente, como escape, jogou futebol e juntou-se a uma organização juvenil católica local, La France Cordée, a qual tinha como objetivo agadear donativos, reunir e entregar alimentos e roupa em orfanatos e casas de idosos. Ao verem a sua dedicação a essa organização, os seus pais satisfeitos ajudaram-no, deixando-o usar a carrinha da empresa para a sua atividade filantrópica. Em junho de 1948, alistou-se no serviço militar, obtendo a patente de cabo na Força Aérea Belga, participando em simultâneo em reuniões de organização de caridade, onde conheceu a sua futura esposa, Thérèse Michelson, conhecida por Mich, vindo a casar-se com ela em 1950. No ano seguinte, nasceu a sua primeira filha, Chantal. Une île, voici qu'une île est en partance, et qui sommeillait en nos yeux, depuis les portes de l'enfance. Oh, viens, viens mon amour, car c'est là-bas que tout commence. Je crois à la dernière chance et tu es celle que je veux. Voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer. Flamandes dansent sans rien dire, sans rien dire au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans rien dire, les Flamandes ça n'est pas causant. Si elles dansent c'est parce qu'elles ont 20 ans, et qu'à 20 ans il faut se fiancer pour pouvoir se marier, et se marier pour avoir des enfants. C'est ce que leur ont dit leurs parents, et le bedeau, et même son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent, et c'est pour ça qu'elle danse. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes, les Flamandes dansent sans frémir au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans frémir, les Flamandes ça n'est pas frémissant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 30 ans, et qu'à 30 ans, il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les enfants, et le houblon, et le blé dans le pré. Elles font la fierté de leurs parents, et du bedeau, et de son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent, et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes, les Flamandes dansent sans sourire au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans sourire, les Flamandes, ça n'est pas souriant. Si elles dansent, c'est qu'elles ont 70 ans, qu'à 70 ans, il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les petits enfants, et le houblon et le blé dans le pré. Toutes vêtues de noir comme leurs parents, comme le bedeau et comme son éminence, l'archiprêtre qui radote au couvent,

voix dans chaque pays, et que chaque pays soit à moi. Je sais quand même que chaque nuit, tout seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je rechanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement, être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois. Même si un jour au paradis, je devienne comme j'en serais surpris, chanteur pour femme à aile blanche. Même si je leur chante Alléluia, en regrettant le temps d'en bas, où c'est pas tous les jours dimanche. Si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire, entre Dieu le Fils et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser la barbe. Même si toujours trop bonne pomme, je me crève le cœur et le pur esprit à vouloir consoler les hommes, je sais quand même que chaque nuit, j'entendrai dans mon paradis les anges, les saints et Lucifer me chanter ma chanson naguère, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement, être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais. Em 1952, Brel começou a escrever canções, apresentando-as em reuniões familiares e no circuito de cabarés de Bruxelas. A família e amigos não ficaram satisfeitos com as letras duras e as interpretações violentas e emocionais das mesmas. Nesse mesmo ano, difundiu pela primeira vez o seu repertório numa estação de rádio local. Jacques Brel iniciou a sua carreira musical em 1953 no cabaré La Rose Noire, em Bruxelas. Em fevereiro desse ano, assinou um contrato com a editora Philips Records, gravando os temas Il y a no lado 1 e La Foire no lado 2. Jacques Canetti convidou-o a mudar-se para Paris. Alojado no Hotel Stevens, trabalhou arduamente nesta cidade para descolar a sua carreira, dando aulas de guitarra a Francesco Fediani, com o objetivo de ganhar dinheiro para pagar o quarto, vindo também a trabalhar em alguns cabarés, como o Le Trois Baudets. Em 1954, participou do concurso Grand Prix de la Chanson em Noquelles-Joutes, terminando em penúltimo entre 28 concorrentes. Um aspecto positivo desta decepcionante experiência foi a cantora francesa Juliette Gréco lhe pedir para cantar uma das suas canções, Le Diable, Ça Va, num espetáculo no prestigiado Olympia, tendo depois esta sido por ela registada em disco. Em 1954, Brel fez a sua primeira aparição no Teatro Olympia, em Paris. No verão, realiza a sua primeira digressão francesa, aparecendo em cartaz com outros cantores como Dario Moreno, Philippe Clay, Catherine Sauvage. No final do mesmo ano, a Philips lança o seu primeiro álbum, um LP, com 9 faixas intitulado Jacques Brel et ses chansons, acompanhado pela orquestra de André Grassi, o primeiro dos 6 que registrou para a Philips entre 1954 e 1962. Quand le vent est au sud, écoutez-le chanter le plat pays qui est le mien. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi.

mais ce ne fut pas Arcole. Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Au suivant, au suivant. Mais je jure que d'entendre ce tatouage de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Au suivant, et au suivant. Je jure sur la tête de ma première férole que cette voix depuis je l'entends tout le temps. Au suivant, au suivant. Cette voix qui sentait l'ail et le mauvais alcool, c'est la voix des nations et c'est la voix du sang. Au suivant, au suivant. Et depuis, chaque femme, à l'heure de succomber, entre mes bras trop maigres, semble me murmurer au suivant, au suivant. Tous les suivants du monde devraient se donner la main. Voilà ce que la nuit je crie dans mon délire. Au suivant, au suivant. Et quand je me délire, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant, au suivant, au suivant. Un jour, je me ferai cul de chatte, ou bonne sœur, ou pendu, enfin ces machins, où je ne serai jamais plus le suivant, le suivant. Em 1955, Brel conheceu Georges Pasquier Jojo, o qual se tornará o seu melhor amigo, empresário e motorista pessoal. Começa de seguida a cantar em associações cristãs, de onde a sua alcunha de Abade Brel. Em março, a esposa e as suas duas filhas juntam-se a ele em Paris. Em junho, faz uma nova digressão pela França, com o espetáculo de Canetti, Le Fille de Papa, com Françoise Durand, Perrette Souple e Suzanne Gabriello. Em junho, apresentou-se no norte da África, Amsterdão, Lausanne e na Bélgica. No mês seguinte, conheceu François Robert, pianista clássico, que se tornará o seu acompanhante musical em futuras gravações, fornecendo-lhe a formação musical que lhe faltava e assumindo a responsabilidade pelos arranjos musicais das canções. Em setembro, Brel gravou Quoi on a que l'amour, que viria a ser um avanço comercial, tendo a canção alcançado o lugar número 3 nas tabelas musicais francesas. Thank you. Em fevereiro de 1957, apresentou-se no teatro Alhambra com Maurice Chevalier, Michel Legrand e a bailarina Zizi Jean-Marie. Em abril, editou o seu segundo álbum, Quand on a l'amour, registado no Théâtre de l'Apollo, em Paris, o qual continha a popular canção do título. Em junho, ganhou o Grand Prix do Disque da Académie Charles Cros. Em novembro, Gérard Jouanette, outro pianista talentoso, tornasse-á também acompanhante do cantor nas suas digressões, colaborando em diversos temas, como Madeleine, La Chanson des Vieux Amants e Le Vieux. No mês de fevereiro do ano seguinte, a esposa, juntamente com as suas duas filhas, voltaram a residir na Bélgica. Brel alugou um quarto perto da Place de Clichy, em Paris, local onde iria ficar nas raras ocasiões em que não estava em digressão. Em março gravou o seu terceiro álbum, Au Printemps. Em janeiro de 1959, Brel assinou um novo contrato de gravação com a Philips Records, continuando a apresentar espetáculos ao vivo durante todo o ano, mormente no Bolivie Gala, Solvay Casino, na cidade de Valónia de Cuillé, no Trois Baudets, com Serge Gainsbourg, no Eden, em Mouscron, com Raymond DeVos, ou, a 20 de novembro, cantando com Charles Aznavour, no Ancienne Belgique, em Bruxelas. Em setembro, registrou o seu quarto álbum, La Valse à mille temps, com François Robert. No final da década, Brel tinha conquistado um impressionante número de admiradores por toda a França. Era tão popular que foi convidado para ser figura principal do concerto de fim de ano no afamado Bobineau de Paris. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Moi je sais d'où tes sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Mais finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu

As diversas digressões, por si realizadas, trouxeram-lhe reconhecimento e popularidade internacional. Em 1961, é publicado o seu quinto álbum, Marieke. As apresentações em palco originaram um merecido êxito entre o público e a crítica, sendo eleito como uma nova estrela da canção francesa. Em 1962, Brel abandonou a editora Philips e assinou um novo contrato de 5 anos com a Barclay Records, renovado em 1967 por mais 6 anos. O primeiro álbum para a Barclay foi Enregistrement Public à l'Olympia 1961, ao vivo nesta sala de concertos. Em março do mesmo ano, gravou o seu sexto álbum, Le Bourgeois. Em outubro, fundou a sua própria editora musical, Arlequin, pouco tempo depois renomeada como Édition Musicale Pouchnel, dirigida pela sua mulher. O ano de 1964 trouxe a Brel uma mistura de tragédias pessoais e triunfos profissionais. O seu pai, Romain, faleceu de pneumonia brônquica e 2 meses depois perdeu a sua mãe. Em simultâneo, recebeu a medalha d'or de Bruxelas atribuída pelo Bureau d'Information Touristique, obtém o prémio da Société d'Auteur Belge e o Grand Prix du Disque da Academia Francesa. Nesse mesmo ano, descobriu uma nova paixão, a aviação, vindo a comprar um pequeno avião. Em 1966, Brel começou a sentir-se cansado do exaustivo calendário de espetáculos, manifestando aos seus músicos a decisão de se retirar das digressões. Em declarações públicas, disse não ter mais nada para dar ao mundo da música e queria dedicar mais tempo a outros projetos. Em outubro, voltou aos palcos para concertos de despedida. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes.

quand elles ont le pas résigné des pèlerins qui s'en reviennent, quand c'est avec tout leur passé qu'elles trichent. Afin de mieux nous retenir, nous qui ne servons à ce temps qu'à les empêcher de vieillir, les biches. Qu'on les chasse de notre vie ou qu'elles nous chassent, parce qu'il est temps, elles restent notre dernière ennemie, les biches. Trop longtemps. Il s'éveille à l'heure du berger pour se lever à l'heure du thé et sortir à l'heure de plus rien, les paumées du petit matin. Elles, elles ont l'arrogance des filles qui ont de la poitrine. Eux, ils ont cette assurance des hommes dont on devine que le papa a eu de la chance. Les paumées du petit matin, venez danser, oh, copain, copain, copain, copain, copain, copain, copain. Venez danser, ça danse les yeux dans les seins. Ils se blanchissent leur nuit au lavoir des mélancolies qui lavent sans salir les mains les paumées du petit matin. Ils se racontent à minuit les poèmes qu'ils n'ont pas lus, les romans qu'ils n'ont pas écrits, les amours qu'ils n'ont pas vécus, les vérités qui ne servent à rien. Les paumées du petit matin, venez danser, oh, copain, copain, copain, copain. Venez danser, hop, et ça danse les yeux dans les seins. L'amour leur déchire le foie. Ah, oh, c'était si bien. C'était. Ah, vous ne comprendriez pas. Les paumés du petit matin, ils prennent le dernier whisky, ils prennent le dernier bon mot, ils reprennent le dernier whisky, ils prennent le dernier tango, ils prennent le dernier chagrin, les paumés du petit matin, venez pleurer, copain, copain. Copain, copain, allez, venez, venez, venez pleurer. Ça pleure les yeux dans les seins. Les paumées du petit matin.

1967, Brel terminou a gravação dos temas para o seu novo álbum, Jacques Brel 67. Depois de J'arrive, de 1968, L'Homme de la Mancha, inspirada em Don Quixote de la Mancha, de Miguel Cervantes, e adaptação da peça musical cómica Man of La Mancha, com texto de Dale Wasserman e música de Mitch Lee. É o 12º álbum de Brel, publicado em 1968. Brel só voltaria a gravar um novo álbum, Ne Me Quitte Pas, em 1972, e em 1977, Le Marquise, o último da sua discografia. Após o assumido hiato na carreira musical, a sua vida profissional concentrou-se no cinema. Brel apenas gravaria mais 4 álbuns na última década da sua vida. Como ator, Brel estreou-se em Les Risques du Métier, realizado por André Cayatte, em 1967, desempenhando um professor acusado de pedofilia por um aluno, recebendo críticas positivas pelo seu papel. Em 1968, apareceu em La Bande à Bono ou Les Anarchistes, realizado por Philippe Forastier e, no ano subsequente, em Mon Oncle Benjamin, realizado por Eduardo Molinaro, para os quais concebeu as bandas sonoras. Desde 1970, participou em 7 longas-metragens realizadas por Jean Valère, Marcel Carnet, Claude Lelouch, Alain Levin, Eduardo Molinaro e 2 dirigidos por ele mesmo, respectivamente France, de 1971 e Le Far West, de 1973. Este último, devido às críticas desfavoráveis e ao fracasso de bilheteira, foi o último em que ousou envolver-se. No início de 1973, Brel, sabendo que se encontrava doente, registou um novo single, L'Enfance, cuja receita foi doada à Fundation Perse Neige, uma associação que ajuda crianças deficientes. Brel dedicou os últimos anos da sua vida à paixão pela vela, vindo a planear uma viagem de 3 anos para dar a volta ao mundo. Um tumor cancerígeno no pulmão esquerdo foi a causa da sua morte no Hospital Avicenne, em Bobigny, perto de Paris, na madrugada do dia 9 de outubro de 1978, aos 49 anos. O seu corpo encontra-se sepultado no cemitério de Atuona, nas Ilhas Marquesas, na Polinésia Francesa, junto ao túmulo do artista Paul Gauguin. Pour un peu de tendresse, je donnerai les diamants que le diable caresse dans mes coffres d'argent. Pourquoi crois-tu, la belle, que les marins au port vident leurs escarcelles pour offrir des trésors à de fausses princesses? Pour un peu de tendresse, pour un peu de tendresse, je changerai de visage, je changerai d'ivresse, je changerai de langage. Pourquoi crois-tu la belle qu'au sommet de leur chant, empereurs et ménestrels abandonnent souvent puissances et richesses pour un peu de tendresse? Pour un peu de tendresse, je t'offrirai le temps qu'il reste de jeunesse à l'été finissant. Pourquoi crois-tu la belle que monte ma chanson vers la claire dentelle qui danse sur ton front penché vers ma détresse pour un peu de tendresse? J'aimerais tenir l'enfant de Marie qui a fait graver sous ma statue. Il a vécu toute sa vie entre l'honneur et la vertu. Moi qui ai trompé mes amis de faux serments en faux serments, moi qui ai trompé mes amis du jour de l'an au jour de l'an, moi qui ai trompé mes maîtresses de sentiments en sentiments, moi qui ai trompé mes maîtresses du printemps jusqu'au printemps. À cet enfant de Marie, je l'aimerai là, et j'aimerai que les enfants ne me regardent pas. J'aimerais tenir l'enfant de Carême qui a fait graver sous ma statue. Les dieux rappellent ceux qu'ils aiment, et c'était lui qu'ils aimaient le plus. Moi qui n'ai jamais prié Dieu que lorsque j'avais mal aux dents, moi qui n'ai jamais prié Dieu que quand j'ai eu peur de Satan, moi qui n'ai prié Satan que lorsque j'étais amoureux, moi qui n'ai prié Satan que quand j'ai eu peur du bon Dieu. À cet enfant de Carême, je l'aimerai là, et j'aimerai que les enfants ne me regarde pas. J'aimerais tenir l'enfant de salaud qui a fait graver sous ma statue. Il est mort comme un héros, il est mort comme un morpelu. Moi qui suis parti faire la guerre parce que je m'ennuyais tellement, moi qui suis parti faire la guerre pour voir si les femmes des Allemands, moi qui suis mort à la guerre parce que les femmes des Allemands, moi qui suis mort à la guerre de n'avoir pu faire autrement. À cet enfant salaud, je l'aimerai là, et j'aimerai que mes enfants ne me regarde pas. Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grands places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui assure que Madame est jolie. Je trouve que Madame est servie. Tandis que moi,